Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les Chinois à leur corps défendant sont-ils devenus au moment où ils se convertissent au bouddhisme les barbares des Indiens, demande la sinologue Han Cheng. Quels sont les paradoxes d'une Inde autocentrée qui a permis la naissance d'un bouddhisme qui s'est mondialisé? Han Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, nous propose, selon ses mots, de questionner sur la longue durée, du monde antique à aujourd'hui, la prétention chinoise à l'universalité dans le cadre de sa grande série sur plusieurs années intitulée « Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Inde, Japon ». La centralité chinoise se trouve interrogée, sinon remise en question, quand elle entre en contact avec l'Inde bouddhique. Ce quatrième cycle de cours, qui s'est attaché à la diffusion du bouddhisme, arrive à son terme avec la promesse d'ouvrir l'année prochaine le grand chapitre du Japon. Han Cheng achève donc la question ouverte cette semaine et ainsi posée, comment la Chine des Han, empire très centralisé et fier de sa civilisation, comment cette Chine a-t-elle pu accepter de se décentrer vers l'Inde et de s'ouvrir à une autre langue, une autre culture totalement différente pour s'initier au bouddhisme dans les premiers siècles de notre ère? Nous avons croisé ces deux dernières semaines les moines chinois traducteurs partis en Inde à la recherche des enseignements bouddhiques et des textes sacrés, mais aussi les maîtres indiens venus en Chine. Nous avons vu deux cultures très différentes s'opposer sur le fond et la forme, l'une valorisant l'oralité, l'Inde, quand l'autre donne la primauté à l'écrit, la Chine. Dans son Histoire de la pensée chinoise, Han Cheng, spécialiste de Confucius, rappelle le long processus sur plusieurs siècles d'assimilation du bouddhisme par la Chine. Au cours des 5e et 6e siècles, on a vu le bouddhisme s'indianiser en Chine, écrit-elle, en important tel quel des écoles typiquement indiennes. Dans cette même période, le nombre de temples bouddhiques aurait presque doublé et celui des moines presque plus que triplé. Après les premiers moines partis en Chine, ce sont de nouvelles figures qui partent à leur tour, au 5e, 6e siècle, rapportant les récits des contrées de l'Ouest. Eux aussi sont confrontés au regard indien qui les voit comme des barbares, à côté des Arabes et des Turcs venus commercer. Le regard suspicieux vers l'étranger traverse les siècles, le cours interroge bien sûr notre époque plus contemporaine et s'achève sur une malicieuse question qui en cache une autre plus fondamentale, comment le nouvel an chinois est-il devenu un atout majeur du soft power chinois? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 31 janvier 2019 pour le cours d'Han Cheng, aujourd'hui, la Chine face à l'Inde autocentrée. Bonjour et bienvenue à tous. La dernière fois, nous avons mesuré la largeur et la profondeur du fossé linguistique que les premiers traducteurs des sources bouddhiques en chinois ont dû surmonter et combien la centralité chinoise, sous la forme spécifique du sentiment d'universalité produit par son écriture, comparé à la multiplicité des écritures alphasyllabiques. Donc, combien cette centralité chinoise a peiné à se remettre en question, ne serait-ce que sur un plan linguistique. Et pourtant, non seulement des moines bouddhistes chinois comme Fa Xian, au tout début du 5e siècle, ont éprouvé le besoin de faire toute la route jusqu'en Inde, mais certains d'entre eux, comme Tao Zheng, compagnon de route de Fa Xian, sont allés jusqu'à décider tout simplement de rester en Inde et de ne plus retourner en Chine, considérée comme cette maudite terre marginale ou terre des confins. Nous avions vu la récurrence de cette expression pienti, hein, les terres au-delà des confins. Et plus de deux siècles plus tard, le même dilemme s'est présenté au très célèbre Xuanzang, ce moine qui est devenu le héros d'une légende populaire, hein, donc le Xiaoji, hein, donc le récit du voyage vers l'Ouest, avec toutes ces versions littéraires, cinématographiques et autres. Donc ce moine Xuanzang qui lui aussi a fait le voyage jusqu'au pays du milieu, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait en chinois le Zhongguo, qui est, je le rappelle, la traduction du sanskrit Madhyadesh, c'est-à-dire le nord de l'Inde, qui est le pays du Bouddha. Donc voici la route de Xuanzang et le portrait très fameux de notre moine chargé de ses manuscrits, hein, qui forment comme une espèce de sac à dos. Hein. Et ici, quelques vues de cette ancienne université bouddhique, Nalanda, maintenant à l'état de ruine, comme vous pouvez le voir, mais qui est des ruines qui sont encore très, très belles. Et ici, donc, vous avez ce bâtiment principal vu de plus près. Et enfin, la pagode de la Grande Oie, le Dayantha, à Xi'an, où Xuanzang donc, s'est installé à son retour en Chine pour s'atteler à la traduction des textes qu'il avait rapportés de l'Inde, un travail qui l'a mené à la tête d'une très nombreuse équipe. Donc, il a fait vraiment un travail tout à fait considérable. Et il est considéré vraiment comme l'un des plus grands traducteurs de tous les temps en Chine. Alors, au moment où notre Xuanzang s'apprête précisément à quitter Nalanda pour rentrer en Chine, ses confrères indiens tentent de le convaincre de rester en Inde. Nous avions vu ce passage la dernière fois de la biographie du maître du Tripitaka, du grand monastère Tzu'en, de la grande dynastie Tang, qui est donc la biographie de Xuanzang. Et je rappelle rapidement la traduction de ce passage. Le maître de la loi, Fa Shi, qui désigne Xuanzang, s'apprêtait à retourner, sous-entendu en Chine, et commença donc à faire ses valises, si j'ose dire, à emballer ses sutras et ses images. Alors, lorsque les autres moines, c'est-à-dire ses confrères indiens, vinrent à l'apprendre, ils accoururent tous pour exhorter Xuanzang à rester, en lui disant ceci. L'Inde, qu'ils appellent Yindu, est le lieu de naissance du Bouddha. Bien que ce grand sage, on l'appelle le Ta Sheng, donc, ait quitté ce monde, il reste encore toutes les traces qu'il a laissées. Et faire le tour des lieux saints pour lui rendre un culte devrait suffire à combler n'importe quelle vie. Pourquoi donc voulez-vous vous en retourner après avoir fait l'effort de venir jusqu'ici? En outre, la Chine, Zhenaguo, est une terre de mlech qui n'ont que mépris pour les hommes et pour la loi. Voilà pourquoi pas un seul Bouddha n'y est né. Les gens en Chine ont un esprit étroit et profonde est leur immoralité. Ici, le terme « ko » est un terme assez fort, hein, qui désigne vraiment de la saleté, de l'impureté. Voilà pourquoi les saints et les sages n'y vont pas. Le climat est rude et la terre hérissée de montagnes. Voilà bien de quoi être nostalgique ou voilà bien de quoi y réfléchir à deux fois. Donc ici, le raisonnement, c'est que la Chine, c'est vraiment un pays de sauvages. Après être venu jusqu'à la terre du Bouddha, pourquoi est-ce que vous auriez envie d'y retourner ? Alors nous avons observé d'abord que dans la bouche de ces moines indiens, la Chine est désignée de manière phonétique, c'est-à-dire sous le nom de Zhina Guo, le pays de Zhina. Zhina étant la translittération phonétique du sanskrit China, qui est lui-même une translittération du chinois Qin, donc la première dynastie impériale. Et il est intéressant de noter à ce propos que cette désignation purement phonétique, qui fait totalement abstraction donc de la notion de centralité chinoise qui est dans Zhongguo, le pays du milieu, cette désignation a été reprise bien plus tard au Japon, notamment à l'époque Meiji, au XIXe siècle, par des Japonais qui voulaient ainsi affirmer leur volonté de ne pas reconnaître la centralité chinoise et revendiquer ainsi la centralité pour le Japon. Autrement dit, appeler la Chine China, puisque c'est comme ça qu'on prononce China en japonais, appeler la Chine China, c'est implicitement refuser de la reconnaître comme Zhongguo, en japonais Chugoku. Donc actuellement, le Japon est revenu maintenant à l'ancienne appellation de Chugoku, c'est-à-dire le pays du milieu, mais voyez ici quel est l'enjeu justement de la translittération. Alors, j'ouvre ici une parenthèse. Je pense que vous aurez tous remarqué qu'il n'a pas encore été question du Japon dans ce cycle de cours qui était parti la fleur au fusil pour sonder les conceptions entretenues par la Chine, l'Inde et le Japon concernant la capacité de leurs civilisations respectives à envisager l'autre et à s'universaliser. Or, même sans avoir l'ambition démesurée d'épuiser la question, nous avons dû nous rendre à l'évidence qu'à peine avions-nous trempé le bout du doigt dans les rapports entre l'Inde et la Chine que nous nous sommes trouvés engouffrés dans des problèmes certes passionnants, mais d'une complexité considérable, comme vous avez pu le constater, qu'il était donc impossible d'expédier en quelques sessions. Alors, il faut dire aussi que l'Inde et la Chine sont deux très gros morceaux et que j'ai sans doute eu les yeux plus grands que le ventre et eu tort de mettre le mot fin à ce cycle. Toujours est-il que le rapport de la Chine au Japon est une autre paire de très grandes manches qu'il nous faudra aborder dans un autre cycle et probablement sous un autre angle. Alors, je referme pour l'instant la parenthèse et je reviens non pas à nos moutons mais à nos moines indiens qui n'hésitent pas à parler de la Chine comme d'un pays de mlech. Vous avez entre parenthèses ce mot en sanskrit. Ce mot dont on a vu que dans la pensée brahmanique de l'Inde ancienne, que c'est un terme discriminatoire s'il en fut, puisque il est censé englober tous ceux qui sont en dehors de ce qui est considéré comme le monde civilisé, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de la communauté des Aryens. Alors, communauté qui est à prendre au sens autant rituel que religieux, que social, et aussi, de manière très importante, linguistique. Et au point que ce mot « mlech » se trouve souvent traduit en langue européenne par « barbare »,« barbarians », etc. Où là, en fait, on reprend la notion grecque de « barbaros ». Autrement dit, une sorte d'équivalent de pendant du mot chinois rou. Et vous voyez qu'il est ici translittéré en chinois par trois caractères qui sont mie, lie, che. Alors, mie, ça veut dire dédaigner ou mépriser. Lie, c'est, ça se réfère à quelque chose de pervers ou de subversif. Et che, c'est un mot très courant que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui veut dire tout simplement un véhicule. Maintenant, ça désigne une voiture. Alors, c'est donc, si on traduit littéralement, donc un véhicule qui méprise la perversion ou la subversion. Donc, j'attire votre attention sur cette translittération parce que vous avez ici un très bel exemple de translittération assez exacte, pour une fois, hein, donc Mliech, transcrit par Mliech, et combiné en même temps avec une transposition de sens, c'est-à-dire avec toutes ces connotations négatives. Alors, pour vous donner une idée d'une autre trouvaille beaucoup plus récente, celle-là, la translittération de Coca-Cola, qui se dit en chinois Coca-Cola, qui veut dire, donc, alors Coca-Cola, ça vous rend la prononciation de Coca-Cola, et en même temps, ça fait sens parce que ça veut dire, donc, c'est quelque chose qui est agréable à la bouche, hein, et que, qui vous procure du plaisir. Alors, pour dire à quel point, donc, ce mot mlech est un terme de discrimination violente, les mlech sont considérés comme étant en dessous même de la plus basse catégorie des hors-castes dans le monde indien, cette plus basse catégorie qu'on appelle les chandals. Alors, vous vous rappelez peut-être que nous avions lu ce passage du Fuguoji, c'est-à-dire donc du récit sur les pays bouddhiques de Faxian, à la section 40, qui nous parle justement de ces chandals. Donc nous avons un témoignage intéressant d'un moine chinois voyageant en Inde, donc au 4e, début du 5e siècle, et qui nous dit ceci. Alors, il s'agit en réalité d'un passage qui décrit Zhongguo, le pays du milieu, c'est-à-dire donc le Madhya Desh, qui est décrit ici en termes extrêmement idéalisants, comme vous allez le voir. Je rappelle rapidement la traduction. À partir de là, les territoires situés au sud sont appelés le Zhongguo, royaume du milieu, Madhya Desh. Dans ce royaume du milieu, le froid et le chaud sont tempérés, il n'y a pas de givre ni de neige. Oui, merci. Le peuple y est riche et heureux, il n'y a ni recensement ni règles administratives, seuls ceux qui cultivent les terres royales payent le profit de la terre. Si les gens désirent s'en aller, ils s'en vont, s'ils désirent rester, ils restent. Autrement dit, pas de système chinois de hukou ici. Les rois gouvernent sans recourir à l'appareil des supplices. Celui qui est coupable paye seulement une amende en fonction de la gravité, légère ou importante du délit. Même s'il a tenté à nouveau de faire des vilenies ou des désordres, on ne lui coupe que la main droite et c'est tout. Bon, enfin, c'est quand même assez dissuasif pour ne pas encore récidiver. Les serviteurs, les gardes et l'entourage du roi reçoivent tous des émoluments. La population du pays tout entier ne tue pas les êtres vivants, ne boit pas de vin, ne mange pas d'oignons et d'ail, sauf les chandals. Chandals, translittéré en chantolo. Alors, le nom de chandal correspond aux gens mauvais. Ils vivent séparément des autres. Lorsqu'ils pénètrent en ville ou sur le marché, ils frappent un morceau de bois pour s'annoncer, pour être différenciés. Les gens alors les reconnaissent et les évitent. ils n'ont pas de contact qui les souillerait, hein, qui les offenserait. Dans ce pays, on n'élève pas de porc et de poulet. Alors ça, évidemment, ça ne manque pas de frapper l'esprit d'un Chinois, forcément. On ne vend pas d'animaux vivants. Sur le marché, il n'y a pas de boucher ni de vendeur d'alcool. Dans les transactions commerciales, on utilise des coris ou des dents. Seuls les chandals pêchent, chassent et vendent de la viande. Alors, vous remarquerez que encore aujourd'hui, en Inde, vous avez ces castes extrêmement basses, qu'on a appelées un peu vite dans le vocabulaire occidental les intouchables. Mais toujours est-il que, justement, ces castes qui manipulent la viande ou le cuir animal sont considérés comme impurs. Alors, vous avez ici le témoignage d'une très grande historienne indienne, probablement l'une des plus grandes contemporaines, du nom de Romila Thapar, qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'Inde ancienne. Vous avez par exemple celui-ci qui s'intitule « Early India, from the origins to AD 1300 », donc l'Inde ancienne, depuis les origines jusqu'en l'an 1300 de l'ère chrétienne, paru aux éditions Penguin en 2002. Mais Romila Thapar est également une, on pourrait dire, une intellectuelle publique qui intervient dans le débat public encore maintenant. Elle a 80 ans passés, mais en pleine forme. Et Dieu sait qu'en Inde, actuellement, avec l'accession de Modi, donc à la position de Premier ministre, les débats vont bon train concernant donc justement les fondamentalistes hindous. Et Romila Thapar n'a pas froid aux yeux, elle n'a pas peur d'intervenir dans le débat. Alors là, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est cet article qu'elle a publié en 1971, dans la revue Comparative Studies in Society and History, donc les études comparatives sur la société et l'histoire, article qui s'intitule « The Image of the Barbarian in Early India », donc l'image du barbare dans l'Inde ancienne, où elle dit ceci, je la cite d'abord en anglais, « The case of the chandals is exceptional, the emphasis being on impurity and not on a difference in culture. They were regarded as so polluting that they had to live outside the village or town. » Donc elle nous dit que le cas des chandals est exceptionnel puisque l'accent est mis sur leur impureté et non sur une différence de culture. Et ces chandals étaient considérés comme tellement polluants qu'ils étaient obligés de vivre en dehors donc des villages et des villes. Et comme on l'a vu dans le témoignage de Fashien, donc de s'annoncer pour que les gens puissent s'écarter à temps et ne pas entrer en contact avec eux. Et Romila Thapar ajoute quelque chose d'intéressant concernant les Chinois. Elle nous dit « Among the foreigners with whom there was a fair amount of contact, especially through trade, were the Chinese, the Arabs and the Turks, all of whom were, of course, considered mlich. Contact with the Chinese goes back to the 3rd century BC through trade in silk. Although silk was greatly appreciated in India, the Chinese were firmly relegated to the ranks of the barbarians and their land declared unfit for Shraddha rites. » Alors, donc, parmi les étrangers avec lesquels il y avait une certaine quantité de contacts, spécialement à travers le commerce, il y avait donc les Chinois, les Arabes et les Turcs, tous étant bien évidemment, elle dit « of course », considérés comme des mlech. Les contacts avec les Chinois remontent au 3e siècle avant l'ère chrétienne, à travers le commerce de la soie. Et bien que la soie ait été grandement appréciée en Inde, les Chinois étaient relégués très fermement au rang de barbares, et leur pays, leur terre, était considérée comme inappropriée pour les rites shraddha, c'est-à-dire les rituels dédiés aux ancêtres. Alors, donc là, vous voyez que les Chinois ne sont pas tout à fait en reste pour ce qui est de considérer les autres comme des sauvages. Vous avez également des considérations intéressantes dans cet ouvrage important de l'indianiste allemand, qui est mort prématurément, qui a vécu de 1940 à 2000, Wilhelm Halfass, qui a publié un livre qui est paru d'abord en allemand en 1981 et qui a été traduit en anglais pour la première fois en 1990, qui est paru dans une première édition anglaise en Inde, à Delhi, aux éditions Motilal Banarsidas, et qui est, c'est un ouvrage qui est intitulé en anglais « India and Europe, an essay in philosophical understanding ». Donc, l'Inde et l'Europe, un essai concernant la compréhension philosophique, l'entendement philosophique. Et vous avez dans cet ouvrage un chapitre, qui est le chapitre 11, qui est intitulé « Traditional Indian Xenology », c'est-à-dire la xénologie traditionnelle indienne. Alors la xénologie, qu'est-ce que c'est ? C'est, donc si vous prenez la racine grecque, le discours sur l'étranger. En gros, ce que Halfass observe, c'est sa conclusion, c'est qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de xénologie en Inde ancienne. Alors, il commence par nous dire que les Mlech, il reprend en fait les considérations de Romila Thapar, les Mlech se situent même en dessous de la caste la plus basse, c'est-à-dire encore plus bas et encore plus éloigné de la norme rituelle brahmanique que les Chandals. Et Halfass nous explique que, en réalité, au lieu de nous représenter l'ordre hiérarchique de manière verticale, hein, puisqu'on a dit jusqu'à maintenant donc une caste encore plus bas que la plus basse caste, on peut essayer justement de visualiser ce schéma justement de pensée sociale et xénologique comme une séquence de cercles concentriques qui tourneraient autour d'un centre de pureté rituelle et de perfection rituelle. Et vu à partir de ce centre, les membres les plus éloignés donc de la structure sociale, c'est-à-dire les Chandals, constituent donc une transition vers les Mlech. Donc c'est la dernière caste, hein, et ensuite encore plus loin de la norme rituelle, vous avez les Mlech, donc c'est-à-dire les non-ariens, hein, et les Mlech à leur tour forment la transition carrément vers l'animalité. Donc les Mlech, c'est la dernière catégorie humaine ou plutôt subhumaine avant les animaux. Donc vous voyez combien ça peut faire plaisir à un Chinois de se retrouver, donc, ou à un Arabe ou un Turc d'ailleurs, enfin de se retrouver donc catégorisé comme ça. Alors bien sûr, Halfass précise que cette perspective, c'est celle des Brahmanes qui sont les auteurs bien évidemment de la majorité des textes qui nous exposent cette représentation. Et donc, il est clair que les Brahmanes se considèrent comme le centre de ce système de cercles concentriques où les étrangers, les Mlech, apparaissent comme une sorte d'extension extérieure, hein, de la société hindoue. Et Halfass rappelle également quelque chose qu'on trouve déjà dans les Upanishads, c'est-à-dire donc qu'il faut absolument pour un brahman éviter tout contact avec les Mlech, Vous avez cette prescription dans les Upanishads qu'un brahmane ne doit pas voyager, je cite, jusqu'aux confins du monde, hein, puisque là, nous sommes dans des terres qui ne sont pas justement les terres propres aux Aryens et où on est exposé justement à tout ce qui est impur, dangereux, pécamineux et mortifère. Et de la même façon, hein, un brahmane n'est pas censé donc apprendre la langue des mlechs, hein, des étrangers. Il ne doit pas chercher à converser avec eux, ni à rendre visite à leur pays. Et bien sûr, c'est absolument en fait déconseillé de rendre la langue sanscrite, la langue sacrée des dieux, accessible donc aux barbares étrangers. Alors, Halfas continue en remarquant que, avec l'apparition des Jains et des bouddhistes, évidemment, tout change. C'est-à-dire que les Jains et les bouddhistes s'opposent de façon assez marquée à la vision donc des brahmanes, puisque pour eux, le facteur héréditaire est remplacé par des critères donc éthiques. Et il y a, nous dit Halfas, dans le bouddhisme Hinayana, le bouddhisme ancien du petit véhicule, déjà une attitude universaliste et missionnaire qui devient évidemment d'autant plus accentuée avec le bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire le bouddhisme du grand véhicule, celui qui s'est le plus répandu en Chine. Et nous avions vu justement que le maître bouddhiste idéal, c'est celui qui justement sait adapter son enseignement au mode de compréhension de ses disciples. Et c'est pour cela qu'il doit non seulement être disposé, mais être capable d'apprendre leur langue, d'apprendre des langues étrangères et de les enseigner donc en fonction justement des cadres de pensée, des cadres linguistiques de l'auditoire auquel il s'adresse. Et on sait, nous l'avions vu, que le Bouddha lui-même n'a pas enseigné en sanskrit, hein, mais dans une langue vernaculaire, donc parlée dans le nord-est de l'Inde. Le Collège de France et France Culture vous présente la sinologue Han Chang. Aujourd'hui, la Chine face à l'Inde autocentrée. Alors, plus généralement, Halfas en arrive à observer que l'Inde des brahmanes ne s'est pas véritablement intéressée à ce qui n'était pas elle, hein, elle ne s'est pas véritablement intéressée à l'autre. Et il nous dit qu'il n'y a pas, on ne trouve pas, hein, ça c'est vraiment, enfin, je dois dire, la découverte stupéfiante que j'ai faite en parlant avec Charles Malamud, ce grand indianiste français dont je vous ai déjà parlé, de découvrir qu'il n'y a pas de compte-rendu venant des milieux brahmaniques, hindous, sur les pays étrangers et sur les terres lointaines. Et de façon encore plus étonnante, nous avons pu constater à travers l'histoire qu'il y a eu une sorte de colonisation, évidemment, entre huit paires de guillemets, indienne de l'Asie de l'Est et de l'Asie du Sud-Est, avec l'expansion du bouddhisme notamment, hein, mais ça ne se reflète pas, hein, dans la littérature sanskrite. Et en fait, en règle générale, vous avez assez peu de, vraiment très peu d'échos, hein, sur les activités bouddhistes en dehors de l'Inde, hein, dans la littérature bouddhique indienne. Et la chose vraiment extraordinaire, c'est que, par exemple, les voyages des missionnaires, les grands projets de traduction dont nous avons tellement parlé, l'enthousiasme avec lequel le dharma bouddhique, la loi bouddhique, a été accueillie par autant de traditions asiatiques, hein, tout ça est à peine mentionné dans la littérature indienne ancienne, hein, et a eu très peu de débats, très peu d'influence sur les débats entre hindouisme et bouddhisme. Et Halfaz va jusqu'à dire que en fait, l'effet de l'universalisme bouddhiste, hein, sur la xénologie hindoue, hein, a été en réalité plutôt négatif, parce que l'universalisme bouddhiste a eu pour effet, contre-productif, de rendre l'orthodoxie hindoue, hein, encore plus rigide et exclusive, et que il y a eu une sorte de crispation identitaire, hein, provoquée justement par cette réaction bouddhique. Alors, ceci est confirmé de façon intéressante par nul autre que Amartya Sen, donc le fameux prix Nobel d'économie indien, prix Nobel d'économie en 1998, qui lui aussi est non seulement un très grand économiste, mais également une sorte d'intellectuel public, un petit peu comme Romila Thapar, et qui est connu du grand public par ce livre qui s'appelle The Argumentative Indian, hein, c'est-à-dire donc l'Indien passionné d'argumentation, hein, l'Indien argumentatif. Et dans ce livre, vous avez un chapitre entier intitulé China and India, donc consacré au rapport entre la Chine et l'Inde, hein, où Amartya Sen nous dit ceci, donc ce livre Argumentative Indian est paru pour la première édition en 2005, il nous dit ceci: Suspicion of foreigners has been a continuing factor in parts of Indian thinking. Even as late as the 11th century, Al-Biruni, the remarkable Iranian visitor, in his book Tariq al-Hind, The History of India, complained about the Indian attitude towards foreigners. Donc, Amartya Sen nous dit que la suspicion qui pèse sur les étrangers a été un facteur continu dans certaines parties du mode de pensée indien. Et aussi tard que le 11e siècle de l'ère chrétienne, Al-Biruni, qui est un Iranien, donc qui a fait le voyage en Inde et qui en a tiré ce livre, cette histoire de l'Inde, se plaignait encore justement de l'attitude des Indiens vis-à-vis des étrangers. Et là, donc, Amartya Sen cite Al-Biruni. Donc, on the whole, there is very little disputing about theological topics among themselves. On the contrary, all their fanaticism is directed against those who do not belong to them, against all foreigners. They call them mlech, i.e. impure, and forbid having any connection with them, be it by intermarriage or any other kind of relationship, or by sitting, eating and drinking with them. Donc Al-Biruni nous dit que dans l'ensemble, on trouve en Inde assez peu de disputes sur des thèmes théologiques, et au contraire, tout leur fanatisme est dirigé contre ceux qui n'appartiennent pas au même monde qu'eux, c'est-à-dire contre tous les étrangers. Ils les appellent mlech, c'est-à-dire les impurs, et interdisent toute relation avec eux, que ce soit par mariage, mariage mixte, ou par n'importe quelle autre sorte de relation, ou même ils interdisent de s'asseoir, de manger et de boire avec eux. Donc vraiment éviter tout contact physique. Et Amartya Sen conclut en disant « That attitude did receive a challenge from Buddhist universalism and from the fact that Indians became for many centuries closely linked to other people through the common bond of a shared religion. As it happens, despite the spread of Buddhism beyond the borders of India, locally confined Indian Buddhists did not always recognize what a world religion Buddhism was becoming. » Donc, cette attitude a bien sûr reçu une sorte de contestation de la part de l'universalisme bouddhique, hein, et du fait que les Indiens se sont retrouvés pendant pas mal de siècles très étroitement associés à d'autres peuples à travers justement cette religion commune. Et de fait, malgré l'expansion du bouddhisme en dehors des frontières de l'Inde, des bouddhistes indiens, sur place, qui sont jamais sortis de l'Inde, n'ont pas toujours reconnu à quel point donc le bouddhisme était en train de devenir une religion mondiale. Alors, toujours est-il que l'usage de ce mot mlech appliqué à la Chine suscite évidemment une réaction d'indignation chez notre moine Xuanzang, qui pourtant est un bouddhiste bontain, hein, donc vraiment qui n'est pas prompt à critiquer donc le pays du Bouddha, mais qui ne peut pas s'empêcher de se rebiffer et de rappeler que la Chine quand même a une civilisation vénérable et qu'on ne peut pas décemment la traiter de pays de mlech. Alors, vous avez la suite du texte de la biographie de Xuanzang, et vous avez la réponse sur la deuxième partie de la diapositive de notre Xuanzang. Fa shi bao yue, fa wang li jiao, yi sheng liu tong, qi you zi de zhan xin, er yi wei wu. Donc, le maître de la loi, c'est donc Xuanzang, répondit: le Fa Wang, le roi de la loi, c'est-à-dire le Bouddha, a instauré son enseignement de façon à ce que son message soit diffusé partout. Comment donc pourrions-nous en garder pour nous seuls le bénéfice en laissant tomber ceux qui n'ont pas encore connu l'éveil ? Je traduis un peu librement ici. Pour nous qui avons Chan Xin, c'est-à-dire littéralement qui avons eu notre cœur-esprit, humecté par la rosée bienfaisante de la loi bouddhique. Comment est-ce que nous pourrions garder ça pour nous et laisser de côté donc se débrouiller ceux qui n'ont pas encore connu l'éveil. Qie bi guo, yi guan ji ji, fa du. 可尊，君圣臣忠，父慈子孝，贵人贵义，上持上贤。 Alors là, vous avez un bel exercice de phraséologie confucéenne. En outre, dans ce bi guo, alors bi guo, c'est un démonstratif qui veut dire là-bas. Hein. Vous avez ci ici, hein, et bi c'est là-bas. Donc dans ce pays là-bas, hein, c'est-à-dire la Chine, les gens sont habillés dignement et les lois sont respectées. Autrement dit, nous ne sommes pas exactement des sauvages. Le souverain est sage et les ministres loyaux. Les pères sont aimants envers leurs fils et les fils filiaux envers leurs pères. On valorise la vertu d'humanité et le sens du juste. On fait honneur aux anciens et aux sages. Jia yi shi dong, you wei. 至于神器，体天作则，其爻无以引起文，设其分时六律，不能掏其管。 Alors, il faut ajouter que en Chine, le savoir est profond jusqu'à l'insondable, et que la sagacité rejoint le divin. Alors, les Chinois prennent le ciel comme modèle, et les sept planètes n'ont pas de secret pour eux. Ils ont inventé des instruments pour diviser le temps, et les six tons musicaux n'ont pas de secret pour les instruments à vent. Kuneng, qu yi fei zou, gan zhi gui shen, xiao xi yin yang, li an wan wu. C'est ainsi qu'ils ont été capables de dompter les animaux, de se mettre au diapason des démons et des esprits, de s'adapter aux fluctuations du yin et du yang, et d'apporter paix et bienfaits aux 10 000 êtres. Hein, autrement dit, la Chine, c'est pas comment dire un pays de barbares noyés dans le chaos. Hein, au contraire, c'est une terre tout à fait bien gouvernée. Ziyi fa dong pi, xian zhong da cheng, ding shui cheng ming, jie xiang fen fu. Depuis que, alors là, maintenant, on passe de la phraséologie confucéenne à la phraséologie bouddhique. Alors, depuis que la loi léguée par le Bouddha s'est répandue à l'Est, les Chinois donc ont mis l'accent sur le Da Cheng, c'est-à-dire le grand véhicule, à savoir le Mahayana. Ils pratiquent la méditation qui décante l'esprit comme de l'eau calme et observent les règles de la discipline qui diffuse le parfum de leur influence. Alors là, vous avez cette prose extrêmement fleurie que vous avez dans les textes bouddhiques. Tout ça pour dire que les Chinois sont devenus de bons bouddhistes. Hein, bon, ils sont non seulement ils sont pas des sauvages, mais ils ont même été capables d'adopter donc le message bouddhique. Fa xin zao xing, yue yu shi di qi gong. 连掌熏修以至三生为己. Alors, ils ont fait vœu de parvenir à l'illumination et aspirent à atteindre la 10e terre, c'est-à-dire le 10e degré de la voie du Bodhisattva. Ils joignent les mains et cultivent leur esprit afin de parvenir à la réalisation des 3 corps du Bouddha. Alors tout ça, ça fait allusion à des éléments de la doctrine bouddhique qui seraient trop longs de développer pour l'instant. Donc les 3 corps, le Sanshen, les 3 corps du Bouddha, c'est le Trikaya, en fait la notion que le Bouddha en réalité se manifeste sous forme de 3 corps. Alors, Xiang Meng Da Sheng Jiang Ling, Qin Mo Fa Hua. 耳成妙说，目击金融，并配长途，未可知也，岂得称佛不往，遂可清哉。 Donc, en direction des ignorants, le grand sage, c'est toujours le Bouddha, a fait descendre son effet ling, merveilleux, magique, de façon à ce qu'il puisse toucher du doigt la transformation opérée par la loi, de façon à ce que leurs oreilles puissent recevoir ces paroles divines et que leurs yeux puissent toucher les figures dorées. Tel un double attelage sur une longue route, nul ne sait jusqu'où il peut aller. Comment pouvez-vous faire si peu de cas de ce pays, qu'est la Chine, pour la simple raison qu'aucun Bouddha n'y est encore allé ? Autrement dit, là, il y a véritablement, vous n'avez pas le argumentative Indian, vous avez le argumentative Chinese, donc le Chinois qui se défend en disant, bon, écoutez, vous exagérez un peu quand même, mes amis indiens, comment est-ce que vous pouvez dire que la Chine est un pays de sauvages ? La preuve, c'est que en fait, nous ne sommes pas des sauvages. Nous avons une longue civilisation. Nous avons inventé beaucoup de choses et en plus, nous avons été assez sages pour nous convertir au bouddhisme. Alors, concernant donc justement cette opposition entre l'Inde et la Chine et cette façon de se traiter mutuellement donc de barbares, je voudrais vous citer un dialogue entre deux de nos grands intellectuels français, à savoir Roger Paul Droit, donc philosophe de son état, et Dan Sperber. Vous avez ici la couverture de ce livre qui s'appelle « Des idées qui viennent », paru chez Odile Jacob en 1999. Et dans ce dialogue, Roger Paul Droit a cette considération qui me paraît très intéressante. Il nous dit « Il faudrait peut-être distinguer entre des identités collectives closes sur elles-mêmes, sans être nécessairement impérialistes, dominatrices ou expansionnistes, et des identités éventuellement plus ouvertes aux autres, mais qui sont en même temps de vrais impérialismes. Je mettrai dans la première catégorie la culture traditionnelle de l'Inde. » Alors, il faut rappeler quand même que Roger Paul Droit est un bon connaisseur de la philosophie indienne. Il a fait paraître ses deux ouvrages, L'oubli de l'Inde, une amnésie philosophique, et Le culte du néant, les philosophes et le Bouddha, paru respectivement en 1989 et 1997, qui sont en édition de poche aux éditions du Seuil. Alors, Roger Paul Droit nous dit ceci à propos de l'Inde. Elle est extraordinairement close sur elle-même, auto-centrée à un tel point que l'européocentrisme à côté n'est rien. Tout ce qui est situé hors du sous-continent indien n'existe pas. Tout ce qui n'est pas lié d'une manière ou d'une autre au brahmanisme n'a pas de contenu. Tous les étrangers, les mlechs, n'ont même pas le statut des métèques chez les Grecs. Ils sont assimilés aux intouchables et, aussi brillants et de bonne volonté qu'ils soient, ils doivent renaître à l'intérieur du système des castes pour se délivrer. Bref, il existe dans l'histoire une indifférence totale, profonde et continue de l'Inde à tout ce qui lui est extérieur, culturellement parlant. Mais à cette clôture ne correspond aucun expansionnisme. Il y a certes une diffusion culturelle des croyances et des critères esthétiques de l'Inde dans toute l'Asie du Sud-Est, mais il n'y a pas de volonté indienne de conquérir des régions extérieures. On le vérifie d'ailleurs encore maintenant, vous voyagez en Asie du Sud-Est, vous voyez des traces de la culture indienne absolument partout, mais vous ne voyez pas d'entreprise indienne exploiter le terrain ou s'implanter dans ces pays. En revanche, continue Roger Paul Droit, il est évident qu'on constate, d'Hérodote à l'anthropologie moderne, une attention de l'Europe aux autres, une volonté de se demander comment ils s'organisent et pensent, une tentative pour étudier leurs mœurs, classer leurs apports, et cette volonté de connaître les autres s'est accompagnée d'un impérialisme militaire et commercial, d'une mainmise sur l'économie mondiale. Alors, ce que dit Roger Paul Droit ici à propos de l'Europe peut s'appliquer parfaitement à la Chine. Texto, hein. Bon. Alors, il est temps pour moi de refermer donc cette page pour l'instant que nous allons rouvrir dans quelques temps. Donc je supprime le mot fin dans mon intitulé de cours. Alors je voulais quand même terminer en vous montrant à quel point le Nouvel An chinois est devenu un atout majeur du soft power chinois. Vous avez ici les préparatifs en cours en Chine. Vous voyez ces ouvriers qui s'activent à peindre en rose donc ces merveilleux petits cochons. Vous avez à l'arrière, il y en a un qui attend d'être peint en rose. Vous voyez que c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde dans le monde entier. Ici, vous avez cette série animée anglaise qui a d'ailleurs provoqué pas mal de remous en Chine, mais elle s'est rattrapée à temps. Et maintenant, vous avez un petit film qui s'intitule Peppa's Chinese New Year. Donc, le Nouvel An chinois de Peppa. Peppa qui est cette petite truie, cette petite porcelette donc anglaise. Vous avez ici donc les Américains qui s'y mettent aussi. Vous avez la reproduction d'un hongbao, donc une enveloppe rouge. Vous savez que c'est la coutume pour le Nouvel An chinois de donner de l'argent dans une enveloppe rouge, et vous pouvez même le donner en dollars, hein, maintenant. Gucci a toute une gamme de produits, donc spécialement pour l'occasion. Là, vous avez donc un manuel d'apprentissage du chinois qui s'intitule Pig Takes Selfies, donc le porcelet prend des selfies. Hein. Et moi, pour ma part, je voudrais justement en profiter pour vous conseiller de lire ou de relire La philosophie du porc de Liu Xiaobo. Liu Xiaobo, qui a passé de très nombreuses années dans les prisons chinoises, qui est mort d'ailleurs d'un cancer en 2017, et qui est donc qui a reçu, comme chacun sait, le prix Nobel de la paix en 2010, mais il n'a pas pu aller le recevoir lui-même étant donné qu'il était en prison. Et même sa femme, en fait, n'a pas pu, qui était en résidence surveillée, n'a pas pu y aller non plus. Et donc, vous avez ici, hein, nous avons le privilège d'avoir en français, hein, la traduction et la présentation de Jean-Philippe, par Jean-Philippe Béja, qui est un excellent spécialiste de la Chine contemporaine, et qui a présenté et traduit cet essai qui s'intitule « La philosophie du porc et autres essais ». Alors dans cet essai, on nous explique que, enfin, Liu Xiaobo nous explique que « Zhu de zhe xue », la philosophie du porc, c'est « zhen yang rang zhu men chi bao le jiu shui, shui xing le jiu chi ». Donc la philosophie du porc, c'est comment faire en sorte que les porcs, hein, une fois qu'ils ont assez mangé, se mettent à dormir, et une fois qu'ils ont dormi, se remettent à manger. Autrement dit, là, c'est une allusion très claire à la façon dont, comment dire, le régime chinois actuel traite ses citoyens. Donc, ne faites pas de politique, mangez, dormez, consommez. Et Liu Xiaobo conclut en disant « On ne peut se résoudre à une vie de porc. L'homme a besoin de liberté. » C'est donc là-dessus que je vous laisserai. Ici, Liu Xiaobo soulève une question absolument cruciale pour nous et pour notre époque, à savoir, la Chine est-elle encore un centre de civilisation capable de penser et de créer ? Ça, c'est une question que nous allons continuer d'explorer en nous tournant notamment vers la contestation japonaise de la centralité chinoise, et aussi en nous demandant si la notion de civilisation a été en Asie un facteur d'unité ou bien de tension. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter Han Chang, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Inde, Japon. Aujourd'hui, la Chine face à l'Inde autocentrée. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Han Chang. Réalisation Émilie Valla. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, changement de cap, je vous propose la leçon de clôture du médiéviste Michel Zinc, ce que nous devons aux anciens poètes de la France. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.